Je savais toutes les langues de la terre. Aussi même je savais toutes les langues de la terre. Si je connais tous les secrets, les mystères, l'univers, tous les secrets, les mystères, l'univers. Si je n'ai pas l'amour, quoi que je fasse ou que je donne. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme un son de cloche qui résonne, qui résonne. J'apprenais toutes les sciences de la terre. Si je n'ai pas l'amour. Si même j'apprenais toutes les sciences de la terre. Si je n'ai pas l'amour. Si je croyais jusqu'à pouvoir déplacer les montagnes. Jusqu'à pouvoir déplacer les montagnes. Quoi que je fasse ou que je donne. Si je n'ai pas l'amour, je suis comme un son de cloche qui résonne, qui résonne. L'amour n'a pas d'orgueil jamais. Il ne se lit que le soupçon.